Une fine couche de neige recouvrait tous les toits de l'hôpital Purpan. Mais les cours et les abords, sablés dès l'aube, n'offraient plus qu'un triste aspect de gadou. À l'étage de la pneumo, surchauffée, une paix relative s'était établie dans le service après la visite du patron, menée tambour battant comme à l'accoutumée. Nadine Clément avait bien posé quelques questions perfides aux externes, s'était affrontée avec Pascal à propos d'un cas difficile de bronchite, mais sans insister, comme si elle aussi était pressée d'aller faire ses derniers achats de Noël. Installée par l'équipe de kiné, des guirlandes égayaient un peu les couloirs, et Aurore avait décoré un minuscule sapin qui trônait dans la salle de repos des infirmières. Au chevet d'une de ses patientes, une femme âgée en stade terminal d'un cancer du larynx, Pascal venait de prescrire de la morphine à volonté, distribuée par une pompe dont le malade usait selon ses besoins. « Ma fille a laissé ça pour vous, docteur. » De sa main libre, toute parcheminée, la vieille dame désigna une boîte de chocolat posée sur la table roulante. « Que c'est gentil. Je sais que vous êtes gourmande. » La voix était éraillée, à peine audible. Pascal hocha la tête avec conviction. « Très gourmande, oui. Votre fille revient vous voir aujourd'hui ?»« Elle passe tous les jours. Elle ou mon gendre. Je suis bien entourée. » Elle le disait avec reconnaissance. Pourtant, son regard était affreusement triste. Ce serait son dernier Noël. Peut-être ne le verrait-elle même pas. Avec un serrement de cœur, Pascal s'obligea à sourire. La souffrance physique ou morale des malades l'atteignait toujours trop, malgré les années. Sans doute ne parviendrait-elle jamais à y être insensible. « Reposez-vous un peu, » dit-elle en effleurant l'épaule de la vieille dame. À travers la chemise de nuit, elle sentit les os qui saillaient. « Avez-vous besoin d'autre chose ? En tout cas, n'hésitez pas à appuyer sur cette poire. Vous ne devez pas avoir mal. » La douleur ne servait à rien, sinon à affaiblir davantage et à paniquer, mais l'ensemble du corps médical avait mis longtemps à en tenir compte. Alors qu'elle quittait la chambre, des éclats de voix s'élevèrent dans le couloir, du côté de la salle de repos des infirmières. « Où vous croyez-vous donc ?» criait Nadine Clément, apparemment hors d'elle. Pascal faillit s'éloigner en vitesse, puis elle aperçut Aurore et s'arrêta net. « Allez faire ça ailleurs, c'est scandaleux !» Derrière Aurore, Georges Mattei, les mains dans les poches de sa blouse, laissait passer l'orage en gardant la tête basse. « Du balai, oust, quittez mon service! Je ne veux plus vous y voir, ni l'un ni l'autre! Et si on doit se servir de cette salle de repos comme d'un bordel, je la ferai fermer !» Deux externes pétrifiés ne savaient plus où aller et restaient collés le dos au mur tandis que Nadine vociférait. Pascal s'approcha, ignorant encore ce qu'elle pourrait faire pour la défense d'Aurore, mais bien décidée à intervenir. Nadine se tourna vers elle et la toisa. « J'espère que vous ne participez pas à ces bacchanales, docteur Fontanelle. » Pascal ignora la provocation qui ne pouvait qu'envenimer l'incident. « La malade de la chambre 8 ne passera sans doute pas la nuit, » déclara-t-elle posément. « Je lui ai laissé de la morphine à volonté. » « À volonté !» répéta Nadine suffoquée. « À son âge et dans son état, cette patiente ne sait pas ce qu'elle fait. Vous voulez qu'elle succombe d'une overdose ?»« Je ne crois pas que ce soit très important. De toute façon, c'est la fin. » « Vous n'avez aucun droit d'en décider. Demandez plutôt à une infirmière de faire des injections ponctuelles. » Elle jeta un dernier regard courroucé en direction d'Aurore avant d'ajouter d'une voix différente. « Je passerai moi-même voir Madame Lambert tout à l'heure. » Pascal nota le ton plus humain, presque là. Nadine Clément avait tous les défauts du monde. Elle pouvait se montrer tyrannique, agressive, injuste. Mais c'était aussi un médecin exceptionnel, qui détestait la maladie et l'échec, qui connaissait par cœur le dossier de chaque cas et qui appelait les malades par leur nom. Dès qu'elle eut disparu au bout du couloir, Aurore laissa échapper un long soupir de soulagement, suivi d'un petit rire nerveux. « Bon sang, tu es arrivée comme la cavalerie, juste à temps !»« Je suis désolée, » murmura Georges en posant sa main sur l'épaule d'Aurore. Son air piteux amusa Pascal, qui le suivit des yeux tandis qu'il s'éloignait. « Il n'est pas seul responsable, on a eu un moment d'égarement. » On flirtait et puis on est allé un peu loin, tu sais ce que c'est. Moi, oui, mais Nadine Clément, ça m'étonnerait. Pourquoi ? Elle a été mariée ? Elle n'est pas de glace ? Va savoir. En tout cas, dans son service, mieux vaut se tenir à carreau. C'est toi-même qui me l'as conseillé quand j'ai débarqué ici. Tu as raison. Ce n'était pas l'heure ni le lieu, d'accord. En tant que médecin titulaire, Pascal était investi d'une certaine autorité sur le personnel soignant. Toutefois, elle n'avait pas l'intention de donner une leçon de morale à Aurore. Elle lui adressa un clin d'œil, tout en remarquant à l'autre bout du couloir un homme d'un certain âge, dont la silhouette élégante lui était vaguement familière. Il s'arrêta quelques instants devant le bureau de la surveillante de l'étage, puis se dirigea vers la salle d'attente qui faisait face au bureau de Nadine. Avec un peu d'étonnement, Pascal reconnut Benjamin Montag. Était-il malade ? Ce n'était pas l'heure des consultations. Intriguée, elle décida d'aller le saluer avant de se rendre à la radiologie, où elle comptait demander des résultats urgents. Une sonnerie stridente se mit soudain à retentir, et Pascal fit volte-face. Elle repéra la lumière rouge clignotant au-dessus d'une des portes et se précipita, suivie d'Aurore qui lança aux deux externes toujours immobiles « Dépêchez-vous donc !»